إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 6 dans l'explication de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec le ta'liq de Sheikh al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim. Donc on est dans le volume 1 à la page 38 et on est à la note ou au commentaire numéro 7 dans les commentaires de Sheikh Saleh al-Fawzan. Donc le passage ou la citation, le point numéro 7, c'est le suivant dans les paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit وَبَيَّنْتُ بَعْضَ حِكْمَةِ الشَّرْعِ فِي مُجَانَبَةِ الْكُفَّارِ مِنَ الْكِتَابِيِّينَ وَالْأُمِّيِّينَ وَمَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ مِنْ مُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَعَاجِمِ. Donc il dit, j'ai clarifié certaines des sagesses de la charia, de la révélation, dans le fait de s'opposer ou de s'écarter des kuffars parmi les gens du livre et des ummiyin. Al-ummiyoun, c'est qui? C'est les arabes, ceux qui n'ont pas reçu de livre. On les appelle al-ummiyoun, les illettrés, parce qu'ils n'ont pas reçu de livre avant. Et il dit que j'ai clarifié, j'ai mentionné ce que la charia a ramené du fait que la charia nous ordonne de contredire les gens du livre et les étrangers, c'est-à-dire les non-arabes. C'est-à-dire tous les peuples koufars et mouchriquins qui existent. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit وَالْحِكْمَةُ الَّتِي أَرَادَ الشَّرْ فِي وَالْحِكْمَةُ الَّتِي أَرَادَهَ الشَّرْ في مجانبة الكفار ومجانبة أصحاب الجحيم أن يحذر المسلمون من تقليد الكفار والتشبه بهم حتى يتميزوا بدينهم لئلا يتسلل شيء من باطلهم إلى ديننا وسواء كان هذا شيء من عقائدهم المنحرفة كالإشراك والكفر والبدع أو من عاداتهم وما أحدثوه من الأعياد والاحتفالات والسلوكيات فمجانبة الكفار ومخالفتهم فيه حماية للدين ووقاية للمسلمين من تقليد أفعال الطائفتين اليهود والنصارى وكلاهما أهل كتاب فاليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل الذين حرفوا وغيروا وبدلوا ثم إن الكتابين قد نسخا بالقرآن فالواجب اتباع القرآن والتمسك به ومجانبة اليهود والنصارى في دينهم وعقيدتهم. Donc le Cheikh, il dit que la sagesse que Allah a voulu dans la charia, dans le fait de nous ordonner de s'écarter et de contredire les kuffars et de s'écarter de la voie des gens de l'enfer, c'est pour faire en sorte que le musulman prenne garde de suivre et d'imiter les koufars et de leur ressembler, pour que les musulmans puissent se distinguer par leur religion, pour pas que rien des faussetés de ces gens-là, les faussetés qui existent chez les juifs et les chrétiens, ne viennent entrer dans notre religion. Et le cheikh il dit, peu importe que cette chose fasse partie de leurs croyances qui sont déviées, comme les exemples de shirk, de kufr et de bid'a, ou bien que ça fasse partie de leur tradition ou de leur coutume, de ce qu'ils ont inventé comme célébration, fête et conduite, ou ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit que le fait de s'opposer et de contredire les koufars et de s'opposer à eux, ça fait partie, de contredire leur voie et leur façon d'être et leur façon de vivre et leurs croyances et leur religion, ça fait partie de la protection de la religion. Donc, en les contredisant et en ne les suivant pas et en ne les imitant pas dans ces choses-là, on protège notre religion et on préserve les musulmans de d'imiter et de suivre aveuglément les actions des deux groupes, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et les deux sont, ces deux groupes-là, les juifs et les chrétiens, font partie des gens du livre. Les juifs ont la Torah et les chrétiens ont l'Injil. Et le cheikh, il dit, et eux, ils ont falsifié leur livre, ils l'ont changé. Donc le livre qu'ils ont entre leurs mains actuellement, ce n'est pas la vraie Torah que Moussa a reçue, et ce n'est pas la vraie Injil que Isa a.s. a reçue. Mais ce sont des déformations et des falsifications des livres de ces deux prophètes. Donc il ne faut pas confondre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de croire en la Torah ou l'Injil, ça ne veut pas dire de croire en ce que les chrétiens ont aujourd'hui qu'ils appellent la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas la Torah et l'Injil. Il y a une différence. La Bible contient plus que qu'est-ce qu'on appelle la Torah et l'Injil. Il y a des dizaines et des dizaines de livres dedans qu'ils ont rajoutés sous un couvercle et qui sont écrits par des personnes différentes, à des époques différentes, et ils ont pris tous ces livres-là et les ont mis ensemble sous un seul couvercle et ils ont appelé ça la Bible. Hein? Parmi ces livres-là, il y en a 14 qui sont écrits par Paul, qui n'est même pas un prophète, hein? Et qui n'est même pas, il n'a jamais reçu de révélation. Il y a d'autres livres là-dedans, c'est les rabbins et les moines qui ont enlevé des trucs ou rajouté des trucs ou changé des choses. Donc ça fait pas partie de qu'est-ce qu'ils ont rajouté, ça fait pas partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la parole des hommes. Et également, dans ces écrits-là, il y a des choses qui font pas partie de la parole d'Allah peut-être, mais il y a des choses qui font aussi partie de la parole des hommes et qui est mélangée entre le vrai et le faux. Donc il ne faut pas croire en ces livres-là tels qu'ils sont aujourd'hui, mais plutôt il faut croire que Allah a révélé ces livres-là à ces prophètes-là à leur époque, mais que par la suite ils ont été falsifiés. Et aussi, qu'est-ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que parfois les juifs et les chrétiens ils nous disent « Oui, mais dans votre livre, dans le Coran, c'est écrit que vous devez croire à la Bible. » Moi, à chaque fois quand ils me disent ça, je leur dis « Non, ce n'est pas écrit dans le Coran qu'on doit croire en la Bible. C'est écrit qu'on doit croire en la Torah et à l'Injil. Mais qu'est-ce que vous possédez? Ça, ce n'est pas la Torah et ce n'est pas l'Injil. » Sans oublier que le livre qu'ils possèdent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous présentent, ça, cette Bible, c'est pas l'original. Souvent, c'est des traductions qu'ils ont. Et ces traductions-là, c'est des traductions qui ne sont même pas les traductions de l'original. Des fois, c'est des traductions d'une traduction. Parce que on sait que Jésus, alayhi salam, Isa, alayhi salam, Ibn Maryam, le fils de Marie, sa langue, c'était l'araméen. Et l'araméen, c'est un dialecte de l'hébreu qui ressemble à l'arabe aussi. Et c'est des langues sémitiques. Certains des évangiles qu'ils ont aujourd'hui, les originaux qu'ils ont, des manuscrits, sont des manuscrits en grec. Ça veut dire que ça a été traduit de l'araméen au grec. Et vous savez que la mentalité sémitique ou sémite, c'est-à-dire le langage sémitique et le langage grec, hellénique, c'est deux mentalités totalement différentes, deux cultures totalement différentes et deux religions déjà à la base totalement différentes. Les Grecs sont un peuple qui croyait en toutes sortes de mythologies, toutes sortes de divinités, et ils avaient des idoles, ils avaient ils adoraient toutes sortes de choses dans la création d'Allah, comme des, ils disaient par exemple le dieu de la mer, le dieu de ci, le dieu de ça. Donc ils croyaient en plusieurs dieux, et ils croyaient que même Zeus, c'est, pour eux ils disaient Zeus c'est leur dieu, puis qu'ils pouvaient avoir des femmes, ils pouvaient avoir des enfants, ils pouvaient avoir des fils, ils pouvaient avoir des filles. C'était des notions qu'ils avaient dans leur religion, et les Romains c'était la même chose, parce que les Romains ont hérité des dieux des Grecs. Donc ça c'est les notions que ces gens-là avaient avec le latin, avec le grec. Puis quand ils ont traduit les paroles de Isa alayhi salam de l'araméen au grec, ils ont introduit dans les paroles de Isa et dans la religion de Isa plein de choses qui n'ont rien à voir avec les croyances de Isa et les croyances des prophètes précédents. Parce qu'ils ont mélangé deux croyances et deux langues sans parfois distinguer entre les différents enseignements et les différentes croyances de ces langages-là, d'origine. C'est pour ça que la traduction, c'est très dangereux. Et j'écoutais un documentaire, justement, avant-hier, j'écoutais un documentaire sur l'histoire de la langue anglaise. Le développement de l'histoire de la langue anglaise. Et c'est 6 ou 8 documentaires d'une heure chacun qui parlent de plusieurs étapes du développement de la langue anglaise depuis, le début de la naissance de ce qu'on appelle les anglo-saxons, hein, jusqu'à notre époque aujourd'hui, l'époque moderne. Puis, en traversant l'histoire, à un moment donné, ils ont parlé de l'époque où ils ont commencé à traduire la Bible du latin à l'anglais. Et qu'à l'époque, il y a un homme qui s'appelait Wycliffe, et c'est lui le premier qui a traduit la Bible de l'hébreu et du grec du latin au en anglais, oui, en anglais. Donc là, quand il a fait ça, qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a interdit toutes les copies de sa traduction. L'Église, ils ont fait acheter même toutes les copies des Corans qu'il avait, pas des Corans, mais des Bibles qu'il avait fait traduire, et les a toutes brûlées. Puis après, ils l'ont attrapé lui, puis ils l'ont brûlé lui aussi, ils l'ont déclaré hérétique. Donc, c'était comme mal vu que la Bible, pour eux, soit traduite dans une autre langue. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Alors que déjà, le manuscrit, l'origine qu'ils ont là, beaucoup d'entre les originaux parmi les manuscrits, sont des traductions elles-mêmes de la parole de Isa, alayhi salam, ou de ce qu'ils ont attribué comme parole à Isa. Et on sait que chez eux, il n'y a pas d'isnad, il n'y a pas de chaîne de transmission comme comme chez les musulmans pour vérifier l'authenticité. Donc on ne sait même pas qui a traduit. On ne sait même pas qui a traduit de telle langue à l'autre. Comment tu peux te référer à des textes dont tu ne peux même pas prouver l'authenticité, hein? Et est-ce que l'information est vraie? Et est-ce que la personne qui l'a écrit est vraie? La plupart des textes qu'ils ont dans les manuscrits d'origine, on ne sait même pas qui les a écrits, même si c'est écrit selon Luc, selon Matthieu, selon Jean, selon Marc. C'est des noms qu'ils ont donnés à ces manuscrits-là, mais ce n'est pas les apôtres à qui c'est pas eux qui l'ont écrit. C'est des noms qu'eux, ils ont essayé de déduire. Probablement que c'était lui qui l'a écrit ça. Puis pour... Donc c'est pour cette raison-là que... Ça, c'est pour les textes que les juifs et les chrétiens ont, c'est pas des textes authentiques. Et donc, il faut pas se laisser tromper par les chrétiens et les juifs avec leurs livres et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs livres. Tu vois? Parce qu'il y a tout et son contraire dans ces livres-là, il y a plein de contradictions aussi. Donc, le cheikh, il dit donc qu'ils ont contredit, ils ont falsifié, ils ont changé les deux livres. Et de toute façon, même si les livres qu'ils ont étaient authentiques, tels quels, révélés et protégés et préservés dans leur authenticité, comme ils avaient été révélés à Moussa et à Isa alayhi salam, eh bien, on n'aurait pas du tout le droit non plus de les suivre quand même. Parce que ce sont des livres qui ont été abrogés par le Coran. C'est-à-dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran a le dessus, prend le dessus sur ce qui était révélé précédemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même à Omar ibn al-Khattab, il a dit لو كان موسى حيا ما كان يعني ما كان له إلا أن يتبعني ما وسعه إلا أن يتبعني. C'est-à-dire, si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Hein? Donc ça veut dire que même si on avait la Torah telle qu'elle aujourd'hui, comme elle avait été révélée à Moussa alayhi salam, on n'aurait pas d'autre choix que de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran seulement et non pas les révélations précédentes. Et la même chose pour l'Injil, hein? Et même que quand tu regardes par exemple qu'est-ce qu'ils appellent, les chrétiens ils appellent la Bible, ils disent oui la Bible c'est notre livre, c'est notre révélation, c'est ça que le Coran il nous ordonne de suivre la, il vous ordonne de suivre la Bible ou de croire en la Bible. Après tu leur dis oui ok d'accord, comment ça se fait la Bible des protestants et la Bible des catholiques ils sont pas la même. Et le nombre de livres qu'il y a dans la Bible catholique, il y a comme 14 livres de plus. Dans la Bible catholique, il y a 14 livres de plus que dans la Bible protestante. C'est laquelle des deux qu'on doit prendre comme référence? Alors là, eux, ils disent, non, nous on suit la vraie Bible. Notre Bible, c'est la vraie. Hein? Donc déjà, tu vois tout de suite, il y a un livre, subhanallah, que ça ne tient pas. Hein? Une Bible, à chaque secte, chrétiennes, ils ont une Bible différente et dans chacune de ces différentes Bibles, il n'y a pas les mêmes livres dedans. Donc comment tu peux prétendre que ça c'est un livre qui est révélé ou que ça vient de Dieu alors qu'ils n'ont même pas les mêmes Bibles en fait, en réalité. Donc ça c'est un grave problème. C'est pour ça qu'entre les chrétiens, il y a eu des grandes guerres entre les différentes sectes chrétiennes, entre les protestants, les catholiques, et les autres, il y a eu des grandes guerres à travers l'histoire et il y a eu des massacres, hein, les catholiques contre les protestants contre les catholiques, et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui en Irlande du Nord, hein, l'Irlande du Sud, les catholiques et les protestants, il y a des quartiers encore aujourd'hui, ils se détestent, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et en tout cas c'est des histoires de fous, hein. Donc tout ça c'est le résultat d'avoir falsifié et changé la parole d'Allah et de ne pas avoir cru en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation c'est de suivre le Coran et de s'accrocher au Coran et de s'écarter des voies des juifs et des voies des chrétiens et de leur religion et de leur croyance. Ensuite le Cheikh dit « Wala buddha kazalika min mujanabati fi'l al-kuffar al-umiyyin » وهم الذين ليس لهم كتاب كعباد الأوثان وغيرهم لأننا منهيون عن التشبه بالطوائف الثلاث وأضف إليهم طائفة رابعة كفار الأعاجم كما سيأتي بعد ذلك كما سيأتي بيان ذلك والأعاجم جمع أعجم وهو الذي ليس عربيا ولا ينطق باللغة العربية فمخالفة الأعاجم جاءت بها الشريعة كما هي مخالفة الطوائف السالفة الذكر. Donc le cheikh il dit, et il faut également donc s'écarter des actions des autres kuffars parmi les ummiyins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de livre, comme par exemple les adorateurs d'idoles, ok. Et pourquoi? Parce que nous sommes interdits d'imiter ces trois groupes, les juifs, les chrétiens et les adorateurs d'idoles qui n'ont pas reçu de livre. Et il dit, et on ajoute à ce groupe-là un quatrième groupe, c'est-à-dire les koufars parmi les non-arabes. Les koufars parmi les non-arabes, comme cela va être expliqué plus tard. Et il dit, le terme pour dire les noms arabes, c'est-à-dire les étrangers, les noms arabes, c'est le terme a'ajim, et a'ajim c'est le pluriel de a'ajam. Quand on dit de quelqu'un qu'il est a'ajami, ça veut dire qu'il parle pas l'arabe. Et donc les koufars qui sont non arabes, c'est une obligation de les contredire aussi. Et ça, ça a été enseigné également par la charia, et c'est de contredire donc les groupes précédents qu'on a mentionnés. Après, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَكَثِيرَةُ الشُّعَبِ وَاصْطِلَاحًا جَامِعًا مِنْ أُصُولِهَا كَثِيرُ الْفُرُوعِ وَلَكِنِّي نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى. Donc le cheikh il dit, même si ceci c'est une grande règle parmi les règles de la charia qui a plusieurs branches, elle a beaucoup de branches cette règle, c'est-à-dire la règle de contredire les koufars, l'ordre de contredire les koufars, et c'est également une terminologie générale, hein, qui fait partie des fondements généraux, des fondements de l'islam, qui a beaucoup de branches. Et il dit, mais je n'ai pas expliqué tous les détails, j'ai mentionné ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité d'être capable d'expliquer de ce sujet. Donc Cheikh Al-Fawzan il clarifie ça, il dit إنما جاءت به الشريعة من مخالفة اليهود والنصارى والجاهلية الأميين والأعاجم إنما هي قاعدة عظيمة يحمي الله جل وعلا بها هذا الدين من أن تتسلل إليه الانحرافات وأباطيل وبدع القوم وبدع القوم وفي هذه القاعدة حماية العقيدة بأن تبقى صافية نقية من كل شائبة وهذه القاعدة يتفرع منها تفريعات كثيرة يصعب الإحاطة بها. Donc le cheikh il dit que la charia elle est venue avec l'ordre de contredire les juifs et les chrétiens, les gens de la jahiliya qui n'ont pas reçu de livre, et les non-arabes, hein, les étrangers, les non-arabes kuffar. Et cette règle, c'est une grande règle dans l'islam qui protège, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala protège cette religion pour éviter que s'introduisent dans l'islam des déviations, des faussetés, des innovations de ces gens-là. Et cette grande règle, elle protège la aqidah, notre croyance, pour qu'elle reste propre et pure et exempte de toute impureté et de toute saleté. Et donc cette règle, il en découle plein de différentes branches et différents autres principes qui en découlent, et c'est très difficile de tous les clarifier ou d'en parler de chacun d'entre ces, de toutes ces branches là parce qu'il y en a trop. Le cheikh il dit قوله ولكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى يعني انه لم يحد بكل ما يتجنب من عباداتهم واعمالهم واقوالهم فهذا شيء كثير ولكنه رحمه الله اتى بالخير الكثير. Donc le cheikh il dit j'ai donné, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Fawzan, il dit, le passage où Ibn Taymiyyah dit, mais j'ai noté, ou j'ai mentionné, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la facilité d'expliquer à ce sujet-là. C'est-à-dire, je n'ai pas pu expliquer tous les différents aspects de leur adoration, ou de leurs actions, ou de leurs paroles. Parce que ça, c'est trop, il y en a trop. Imagine si Ibn Taymiyyah a commencé à parler et à écrire sur toutes les fêtes, toutes les célébrations, toutes les pratiques, toutes les croyances, toutes les adorations, toutes les formes de shirk que tous les koufars et les mouchriquins font sur toute la terre. Il aurait fallu peut-être des centaines et des centaines de volumes pour clarifier tout ça. Donc c'est pour ça, Cheikh l'Islam, il dit, yani, j'ai parlé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité. J'ai pas pu détailler tous ces détails-là, mais j'ai établi des règles. Hein? C'est ça ce qu'il dit. J'ai pas expliqué toutes leurs traditions, toutes leurs actions, toutes leurs paroles, parce que ça c'est trop, hein, c'est beaucoup. Mais, rahimahullah, il a expliqué beaucoup d'entre ces règles-là. Il dit, فَقَعَدَ الْقَوَاعِدُ وَوَضَعَ الضَّوَابِطُ الَّتِي هِيَ عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والتي إذا ترسمها المسلم في حياته سلم من هذه الشرور الوافدة لا سيما وكثير من الناس وقع بالتشبه بهم من حيث يدري أو لا يدري. Donc le cheikh il dit, mais Ibn Taymiyyah qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des règles et des principes à la lumière du Coran et de la Sunna, et que si le musulman prend ces règles qu'il a établies et qu'il les applique dans sa vie, il va être préservé de toutes ces différentes formes de maux et de choses mauvaises qui existent chez les koufars et chez les mouchriquins. Et en particulier, le fait que beaucoup d'entre les gens qui sont tombés dans l'imitation des koufars, eh bien, ils sont tombés justement dans ces imitations-là du fait qu'ils ignoraient ces règles, hein? Soit qu'ils le savaient ou soit qu'ils ne le savaient pas, mais dans le sens que souvent tu vas voir des musulmans, ils tombent dans l'imitation des koufars, ils tombent dans l'imitation des mouchriquins, puis ils le font parce qu'ils ignorent certaines règles ou certains principes de l'islam. Puis quand tu leur dis, ya akhi, ça c'est pas permis, tu dois pas faire ça, il dit, mais pourquoi? C'est quoi la preuve? Tu le dis, parce que ça, c'est l'imitation des koufars. Il dit, mais comment ça? Comment ça, c'est l'imitation des koufars? Parce qu'il ne connaît pas la voie des koufars. Il ne connaît pas les égarements des koufars. Il ne connaît pas les égarements des mouchriquins et de leur religion. Et il ne connaît pas les preuves et les règles de l'islam qui clarifient l'égarement de ces principes et de ces règles et de ces traditions que les koufars suivent. Donc, eux, ils s'imaginent que ce n'est pas grave. Hein? Et ils ne peuvent pas non plus distinguer entre qu'est-ce qu'on a le droit de prendre des koufars et des mouchriquins et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre des koufars et des mouchriquins. Comme par exemple, ils vont dire, ouais, mais bon, les koufars, ils ont par exemple ramené plein d'autres trucs qui sont bénéfiques, hein? Ils ont inventé plein d'inventions, est-ce qu'on ne va pas en profiter, hein? Ça ne fait pas partie d'imiter les koufars. Ils mélangent entre les choses et ils ne distinguent pas entre qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Donc c'est ça que le cheikh il explique dans ce livre. Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite, فَكَثِيرٌ مِنْ دُعَفَاءِ الْإِيمَانِ وَجُهَالِ الْمُسْلِمِينَ يَمِيلُونَ إِلَى التَّشَبُّهِ بِتِلْكَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَفْتُونِينَ بِمَا حَصَّلُوهُ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمَدَنِي كَالْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ وَالتَّقْنِيَةِ وتنظيم الدقيق فظنوا أنهم حصلوا هذه الأمور بسبب اعتقاداتهم أو بسبب طريقتهم في العيش أو أخلاقهم المنحرفة، وإنما حصلوا ذلك استدراجا لهم بمثابرتهم وجدهم في العمل واحترامهم للوقت وإتقانهم للصنع. فهذا هو سبب نجاحهم، وللأسف فإنك تجد البعض يأخذ من عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة فيشابههم فيها ويترك أخذ ما تفوقوا فيه في أمور الصناعة والإدارة. والحقيقة لو أن التزمنا بديننا الذي يحث على الأخذ بالأسباب النافعة لكنا أسبق إليها منهم، ولكننا تكاسلنا وهم جدوا في طلبها، وتقدمهم هذا لا يدل على فضلهم في جانب العادات والعبادات، وإنما تقدمهم في هذه الأمور استدراج لهم. الشيخ الزي beaucoup des gens qui ont la foi faible, parmi les ignorants des musulmans, ils ont un penchant vers le fait d'imiter certains groupes parmi les juifs et les chrétiens qui ont été éblouis parce que les koufars ont obtenu comme modernisation et comme toutes sortes de nouvelles inventions qu'ils ont inventées et par leur nouvelle technologie, hein, et par leur organisation très précise, hein, leur façon de gérer les choses, leur gestion, leur organisation. Et ces musulmans-là s'imaginent que si les koufars ont réussi à avoir ce niveau d'avancement dans la technologie, ils pensent que c'est à cause de leurs croyances, ou à cause de leur façon de vivre, ou à cause de leur comportement dévié. Et le cheikh, il dit qu'en réalité, ils ont uniquement obtenu ces résultats-là dans le développement des questions de la dunya, hein, dans les techniques, dans les technologies ou des choses de ce genre, uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut les... طيب إن شاء الله بارك الله فيك أخي. Uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, hein, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, yastadrijuhum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme si quelqu'un, il veut, yani c'est comme si eux, ils se sont aveuglés, ils se sont égarés dans leur façon d'être, dans leur vie, dans leur façon de vivre, dans leur croyance, dans leur façon de faire les choses. Donc, ils ont travaillé pour obtenir du succès dans les affaires de la dunya. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il veut les égarer encore plus, parce qu'ils se sont détournés de la voie d'Allah. Donc, pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés s'égarer encore plus dans leur façon de faire. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il les a laissés faire preuve de sérieux dans leur travail et par le respect qu'ils ont eu du temps qu'ils ont et leur manière de maîtriser les différentes industries, les différentes manufactures, les différentes façons de construire les choses et de fabriquer les choses. Donc, à cause de leur respect du temps, de leur technique et de tout ça, ils ont réussi à avoir ce succès. Hein? Mais ça, c'est istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ce succès-là, dans ces affaires-là, pour les égarer encore plus. Hein? Parce que la réalité, c'est que s'ils ont tout ce succès dans les affaires de la dunya, sans avoir la foi en Allah et sans être sur la religion des prophètes, la religion du tawhid, tout ce bien-là qu'ils ont de technologie ou d'avancement dans la modernité, ça ne leur sera d'aucun bienfait au jour de la résurrection. Et ils sont maudits par ces choses-là en réalité. Mais il y a des musulmans, malheureusement, qui n'ont pas compris ça. Et eux, ils ont pensé que si les koufars ont réussi à obtenir cet avancement technologique, c'est à cause de leurs habitudes, de leurs traditions corrompues. Hein? Donc, ils pensent qu'en les imitant dans leurs mauvaises habitudes, que c'est à cause de ça qu'ils vont, eux aussi, réussir à devenir... ils pensent que c'est à cause de ça qu'eux aussi vont avoir le succès dans les affaires de la dunya puis dans la technologie eux aussi. Donc il faut comprendre ça. Quand par exemple les koufars ils ont commencé à développer leur technologie et le niveau scientifique et l'organisation et l'administration et la gestion, ils ont avancé dans ces affaires là Puis en même temps, en parallèle à ça, il y a une autre partie de la société ou une autre catégorie de la société, eux, qui se sont perdus dans leurs désirs, dans leurs passions, dans leur perversité, puis qui ont ouvert les portes aux hommes à l'égarement, à la perversité, au péché, à la désobéissance d'Allah, et qui ont inventé toutes sortes de systèmes, justement pour égarer de plus en plus les hommes. Et les koufars sont venus voir les musulmans et ils leur ont dit, regardez, nous les koufars, on a réussi à avoir cet avancement technologique-là, À cause de quoi? À cause de notre façon de vivre. Hein? On a abandonné notre religion, on a abandonné notre façon de vivre, et donc à cause de ça, on a eu le succès dans la technologie. Donc, vous les musulmans, si vous voulez devenir comme nous, vous voulez devenir moderne, vous voulez avoir de la technologie, vous voulez avoir de l'avancement, vous voulez avoir des sociétés qui sont bien organisées, bien gérées, eh bien, vous devez adopter le même comportement que nous, puis commencer à vivre comme nous, et suivre nos habitudes et notre façon de vivre. Puis là, à cause de ça, vous allez avoir la technologie, vous aussi, vous allez avoir l'avancement, vous aussi. Ça, c'est une ruse, hein? Ça, c'est de l'égarement. Puisque ce n'est pas à cause de ce mode de vie-là que les koufars ont réussi à obtenir le succès dans ces questions-là, mais c'est plutôt à cause d'une autre catégorie de la population, parmi les gens qui sont sérieux et qui ont étudié ou qui ont fait des efforts pour obtenir des résultats dans les questions de la recherche scientifique ou bien de la technologie ou de l'industrialisation ou des choses de ce genre. Et ils n'ont pas eu que du succès, hein. Il faut être réaliste aussi, il faut voir qu'ils ont eu beaucoup d'échecs aussi, et ça c'est des choses que beaucoup de gens ils négligent malheureusement parce qu'ils sont éblouis par l'exemple des koufars. Le cheikh il dit la réalité c'est que si ils ont réussi à obtenir cet avancement dans la technologie, dans la gestion, en réalité, si nous les musulmans on s'accrochait à notre religion comme il faut et qu'on prenait les moyens nécessaires, bénéfiques que la religion nous a ordonné de prendre, eh bien on les aurait précédés et devancés dans tous les aspects de qu'est-ce qu'ils ont eu eux comme avancement et comme modernité. Mais à cause du fait qu'on est devenu paresseux, alors que eux ils ont été sérieux pour obtenir ces résultats-là, eh bien ils ont eu le devant sur nous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, hein, dans les questions des traditions et des adorations ou de leurs croyances. Ça veut juste dire que Allah subhanahu wa ta'ala les laisse s'égarer encore plus dans leur façon de vivre pour les faire croire qu'ils sont sur quelque chose de bon, alors que dans la réalité ils sont dans l'égarement. Istidraj, aynam, c'est ça. Alors c'est pour ça que le cheikh il dit, si nous les musulmans on aurait pris les mêmes moyens qu'eux, on aurait obtenu mieux que eux. Et la preuve de ça, regarde dans les universités des koufars aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit ailleurs, les chercheurs dans les universités, ceux qui font la recherche scientifique, que ce soit dans l'informatique, dans la physique, dans la chimie, et aller dans la génie, hein, ingénierie et autres, beaucoup d'entre les grands chercheurs aujourd'hui sont des musulmans. Et dans les grandes universités, tu trouves une grande proportion de musulmans. Donc ça veut dire que c'est la preuve que les musulmans sont capables d'apprendre ces choses-là et même d'être meilleurs même que ces koufars qui ont développé ces techniques-là. Mais le problème, c'est que ils essaient de faire croire aux musulmans que pour devenir évoluer dans ces questions-là, il faut accepter le kufr et le shirk et l'égarement et la laïcité et la démocratie et l'égarement et vivre comme les koufars. Puis là, après ça, tout d'un coup, comme par magie, on va devenir comme eux. Et c'est ça le mensonge. Et ils ont fait croire ça même à leur propre peuple. Parce que quand il y a eu des avancements technologiques dans leur société, dans les pays de kufr, si tu remarques, partout où il y a eu l'établissement et l'installation de la laïcité en Europe et en Amérique, en même temps qu'ils ont installé ces systèmes, en même temps, ils ont fait plein d'évolutions sur le plan technologique. Ils ont installé l'électricité, ils ont installé l'eau courante, ils ont installé plein d'autres les systèmes d'égout, ils ont installé plein d'autres choses sur le plan, disons, technologique ou social. Hein, ils ont fait des nouvelles routes, ils ont changé plein de choses, des améliorations qu'ils ont faites dans la dunya, puis en même temps ils leur ont enlevé leur religion, leur fausse religion, parce que leur religion elle est fausse. Mais malgré tout, il y avait quand même, même si c'est faux, il y a quand même des choses qui étaient meilleures que la laïcité dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont enlevé la religion, puis ils leur ont donné plein d'avancements technologiques. Alors les gens ont dit, ah d'accord, donc si on abandonne la religion, on va avoir un avancement dans la technologie, puis dans la façon dont la société fonctionne. Donc ils ont dit, dans ce cas-là, c'est bon, il faut abandonner la religion, puis là, on va avoir la technologie. Et ça, c'est une ruse que les koufars, les égarés, ont utilisée pour tromper les gens. Allah al-Musta'an. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il continue, il dit وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. Ça c'est le commentaire numéro 9. Le commentaire numéro 9, Ibn Taymiyyah, le point numéro 9, Ibn Taymiyyah dit, et j'avais écrit une réponse à ce sujet-là, et je ne me souviens plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé de cette réponse que j'avais écrite, mais il y avait eu beaucoup de bien qui avait découlé de cette réponse-là, et ça avait eu un impact tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prédestiné et tel qu'il l'avait voulu. Cheikh Al-Fawzan, il commence sur ce point numéro 9 là, et il dit j'ai écrit une réponse, katabtu jawaban, qawluhu katabtu jawaban يشير إلى كتاب كتبه مختصرا في النهي عن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم مستندا إلى ما في الكتاب والسنة من الأدلة وقد نفع الله بهذا الكتاب نفعا عظيما. Donc il dit que Cheikh l'Islam, quand il dit que j'avais écrit un livre, il veut faire allusion à un livre qui était résumé, qu'il avait écrit pour interdire la ressemblance aux juifs et aux chrétiens et aux non-arabes. Et il s'était basé dans ce livre-là sur le Coran et sur la Sunna et les preuves qui sont mentionnées à ce sujet. Et Allah avait fait qu'il y ait beaucoup de bien qui découle de ce livre. Il dit ensuite وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْدُرْنِ السَّاعَةَ يعني ذلك لأن ابن تيمية رحمه الله كان كثير التصنيف والتأليف فقد كان يكتب الكتاب أو الفتوى ويرسلها إلى من سأله أو استفتاه ولا يبقي عنده منها نسخة يحتفظ بها ولكن كان تلاميذه والذين يسألونه يحتفظون بأجوبته وفتاويه فيبقى ولله الحمد الكثير منها وهي تظهر بين الحين والآخر من خلال البحث عن المخطوطات. Donc il dit que il dit Ibn Taymiyyah a dit mais je ne me souviens plus aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé avec ce livre que j'avais écrit. Cheikh Al-Fawzan il explique que parce que Ibn Taymiyyah il écrivait beaucoup, il écrivait beaucoup de livres, et chaque fois qu'on lui demandait une question ou une fatwa ou d'écrire un livre, qu'est-ce qu'il faisait Ibn Taymiyyah? Il écrivait la réponse, et puis il donnait qu'est-ce qu'il avait écrit, il donnait à la personne qui lui a posé la question, et la personne partait avec. Mais lui, Ibn Taymiyyah, il ne gardait pas une copie pour lui-même. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ses élèves parfois qui préservaient et qui gardaient ces réponses-là avec eux, et ces différentes fatwas. Et elles sont nombreuses, alhamdulillah. Puis on en découvre de temps en temps, de temps à autre, on en retrouve une par-ci par-là parmi les différents manuscrits qu'on retrouve parfois. Et même qu'à notre époque, il y en a comme le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné, que même certains de ces manuscrits-là, on les retrouve aujourd'hui dans les bibliothèques de l'Europe et des États-Unis et en Angleterre et en France et ailleurs. C'est-à-dire, ces manuscrits-là sont dans les bibliothèques des koufars aujourd'hui même, parfois. Donc c'est les koufars qui préservent les livres de Ibn Taymiyyah et d'autres savants de l'islam aujourd'hui. Parce que quand ils ont colonisé les pays musulmans, ils ont pris plein de manuscrits avec eux et puis sont retournés avec dans leur pays. Cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit ensuite, ثم بلغني بآخرة بآخرته أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات من إطلاقات اعتمدوا عليها. Donc Ibn Taymiyyah il dit dans le passage numéro 10 que on m'a dit ou on m'a fait savoir que yani on m'a fait savoir dernièrement que certaines personnes ont trouvé ça étrange, c'est-à-dire l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens et les non-arabes et les koufars, et d'une façon générale certaines personnes ont trouvé ça étrange et ils ont pensé que c'est quelque chose qui était qui n'était pas réel, que c'était pas réellement interdit, parce que eux ils sont grandis sur ces choses-là, hein, dans l'imitation des juifs et des chrétiens, et ils se sont accrochés à des aspects généraux de la religion, hein, pour justifier ces imitations-là. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique et il dit قوله بلغني بأخرة بأخرة il dit يعني أخيرا, c'est-à-dire dernièrement, فلقد بلغ الشيخ أن من الناس من استغرب هذه الرسالة والسبب في ذلك أنها تخالف ما ألفوه وساروا عليه وهذه هي طبيعة البشر أنهم إذا تعودوا أمرا وإن كان سيئا ثم جاء من ينهاهم عنه ويحذرهم منه فإنهم يستغربون منه ولا ينصعون لمن ينهاهم عنه بسرعة وإنما يحتاج ذلك إلى لئي وتعب لذلك هم استغربوا رسالة الشيخ في النهي عن التشبه بالكفار لكونهم ألفوا ذلك وهذا ليس دليلا على صحة فعلهم وإن كان سبب تشبههم بالكفار هو ظنهم بهم أنهم على جانب من الرقي من الرقي والكمال مع أنهم أحط البشر فيما يعتقدونه. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'on a fait savoir au cheikh, à Cheikh Ibn Taymiyyah, que parmi les gens, certains avaient trouvé le livre qu'il avait écrit à ce sujet-là comme étant étrange. Et la raison pourquoi ils ont trouvé ça étrange, c'est parce que qu'est-ce qu'il a écrit vient en contradiction avec ce qu'ils ont ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont eu l'habitude de suivre. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan, que ça c'est l'habitude, c'est la nature de l'homme. Que lorsque l'homme s'habitue à quelque chose, même si c'est mauvais, puis que quelqu'un vient leur interdire de faire cette chose, hein, et les avertit et les met en garde contre cette chose, eux ils vont trouver cette chose-là étrange. On dit, hein, comment ça tu nous interdis de faire ça? Nous on le fait depuis longtemps. Hein? Et ils ont du mal à accepter cette interdiction-là. Et ils ne veulent pas, ils veulent pas se soumettre et suivre la personne qui leur interdit de faire ça rapidement. Donc, ça prend du temps avant de les convaincre, et ça demande beaucoup de fatigue. Il faut se fatiguer beaucoup et parler beaucoup avec eux pour les convaincre de ça. Et c'est pour ça donc que ces gens-là ont trouvé le livre de Ibn Taymiyyah sur l'interdiction d'imiter les koufars difficile à accepter ou étrange, parce qu'ils avaient eu l'habitude d'imiter les koufars. Mais Cheikh Al-Fawzan il dit, mais ça, le fait qu'ils ont eu l'habitude de faire ça et qu'ils ont vécu comme ça pendant longtemps, ce n'est pas une preuve de du fait que ça prouve pas que ce qu'ils font c'est correct. Ça prouve pas que ce qu'ils font c'est correct. Il dit parce que il dit si la cause pour laquelle ils ont imité les koufars, c'était leur idée ou leur pensée que les koufars sont évolués, ils ont une grande évolution et ils pensent que ces koufars là ils ont atteint un niveau de perfectionnement très élevé. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit que même malgré ça, ce sont les plus bas d'entre les êtres humains dans ce qu'ils ont comme croyance. Hein? Donc, peut-être qu'ils sont évolués dans les affaires de la dunya, mais dans leur aqida et dans leur croyance, ce sont les plus bas d'entre les êtres humains. Et il dit, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Donc Cheikh Al-Fawzan il mentionne deux versets. Le premier verset c'est le verset 55 dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: les pires bestiaux auprès d'Allah ou pour Allah, les pires bestiaux pour Allah sont ceux qui ont mécru. Alors ils ne croient pas. Hein? C'est-à-dire qu'ils comparent les kuffars à des bêtes, à des bestiaux, comme des animaux. Hein? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Hein? Ils n'utilisent pas leur raison pour croire en Allah. Et il mentionne l'autre verset dans la sourate Al-Bayyina, le verset 6. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikin, c'est-à-dire les gens qui adorent autre que Allah, sont dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires de la création, sont les pires créatures. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que les juifs et les chrétiens, hein, les gens du livre, et les mushrikin sont les pires des créations, les pires créatures, pourquoi? Parce qu'à cause de leur aqid, hein, à cause de leur fausse croyance. Le cheikh il dit ensuite: وقوله وتمسكوا في ذلك بعمومات من اطلاقات اعتمدوا عليها هذه هي علة أهل الضلال أنهم يتمسكون بالمتشابه من الأدلة فهم يأخذون بالعموم مع أن العموم يخصص ويأخذون بالمطلق مع أن المطلق يقيد ويأخذون بالمنسوخ ويتنبهون أو لا ينتبهون للناسخ فهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر وهؤلاء حذرنا منهم حذرنا الله منهم فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والآيات في كتاب الله نوعان محكم ومتشابه. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, ils se sont accrochés à des textes et au sens général de ces textes-là ou à des versets qui sont généraux et ils se sont basés là-dessus. Cheikh Al-Fawzan il dit, ça c'est leur excuse et c'est leur raison, c'est la raison des gens de l'égarement, qu'ils se basent toujours sur des textes qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés de différentes façons, et ils prennent les textes qui sont généraux parce que les textes généraux peuvent être spécifiés, limités, expliqués par d'autres textes qui sont plus spécifiques, et les versets qui sont disons qui ne sont pas limités peuvent être limités par d'autres textes, et des versets qui sont abrogés, hein, il faut savoir qu'il y a des textes qui les abrogent, hein, qui viennent les annuler, mais eux ils ne prennent pas ça en considération. C'est donc comme le cheikh il dit, ils prennent une partie des preuves, une partie des textes, puis ils laissent l'autre partie. Et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde à leur sujet dans le Coran, dans le verset 7, dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a fait descendre sur toi, ô Muhammad, le Coran, le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont muhkamat, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Et il dit ensuite, mais en ce qui concerne ceux qui ont une maladie dans le cœur, de déviation dans le cœur, eh bien, eux cherchent expressément, par exprès, à suivre les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations pour faire du désordre et pour chercher à les interpréter de façon incorrecte. Pour les déformer dans leur sens. Mais en réalité, nul ne connaît leur vraie signification que Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Et ils disent, nous, nous croyons en tout, en tout cela. Tout cela vient de notre Seigneur. C'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran, que ce soit les mutashabihat ou les muhkamat, les versets qui sont équivoques et les versets qui peuvent être, qui peuvent être interprétés de différentes façons et les versets qui sont clairs et explicites, tout ça, ça vient d'Allah et on y croit. Et ceux qui sont fermement ancrés et enracinés dans la science, eux, qu'est-ce qu'ils font pour comprendre les versets qui sont équivoques? Ils prennent les versets équivoques qui ont plus qu'une signification ou qui peuvent être interprétés de différentes façons. Ils prennent ces versets-là et pour les comprendre, ils les ramènent aux versets qui sont clairs et explicites pour les comprendre et pour les expliquer. Donc s'il y a un verset dans le Coran ou un hadith, si c'est un verset, ils vont aller voir un autre verset dans le Coran qui le clarifie, ce verset-là. Ils vont dire, ce verset est expliqué à tel endroit. Et Allah explique qu'est-ce que ce verset-là signifie. Ou bien ils vont dire, ce verset est expliqué par tel hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam le clarifie. Et la même chose pour la sunna, qui explique d'autres parties de la sunna. Donc, dans ce cas-là, la religion devient claire. Et les versets qui sont équivoques deviennent explicites et clairs parce qu'on les ramène aux versets qui sont clairs. Mais c'est les savants qui peuvent faire ça parce que c'est eux qui ont la connaissance du livre. Et le cheikh, il dit donc que les versets dans le Coran sont divisés en deux catégories. Les versets qui sont explicites et clairs, qui n'ont qu'une seule signification, qui sont la base du livre, qu'on appelle muhkam, et les versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, plusieurs sens, qu'on appelle mutashabih. Et le pluriel, c'est mutashabihat. Et ceux qui prennent ces versets-là et la façon dont on gère ces versets-là ou on agit avec ces versets-là, il y a deux catégories de personnes par rapport à ce que Allah nous mentionne dans ce verset. As-sinful awwal hum ahlu zayr wa qad yakununa ahlu jahlin wa laysa indahum ilmamun bil sharia wala bil adillati wala bi kayfiyat al istidlal wal istinbat ولم يدرسوا القواعد الفقهية ولا أصول الفقه ولم يدرسوا مصطلح الحديث ولم يأخذوا بالقواعد التي يسير عليها المحدثون وإنما يأخذون ما لاح لهم من الأدلة دون نظر وتمحيص ومقارنة بين الأدلة ولا يفرقون من كون هذا الدليل مقيدا أو مطلقا أو منسوخا أو ناسخا وهل هو عام أم خاص. Donc la première catégorie, ce sont des gens de déviation. Et c'est possible également que ce soit des gens de l'ignorance. Ils n'ont pas de connaissance profonde de la charia, ni des questions qui ont rapport avec les preuves, et ni de connaissance en ce qui concerne comment on doit utiliser le Coran et la Sunna, et comment on extrait de ces textes-là des preuves, et comment on extrait des verdicts des fondements de la religion et des textes et des preuves. Ils savent pas comment ça fonctionne, ils n'ont pas étudié les règles de fiqh, ils n'ont pas étudié les fondements du fiqh, ils n'ont pas étudié les fondements du hadith, et donc ils ne connaissent pas les règles par lesquelles les savants du hadith ont déterminé l'authenticité des hadiths. Ils ne font que prendre les preuves, yani sans vraiment les analyser, sans vraiment les comprendre, sans vraiment distinguer entre elles et sans comparer également entre les différents textes. Et ils ne font pas de distinction par rapport aux preuves entre celles qui sont limitées et celles qui sont yani générales, celles qui sont abrogées ou celles qui ont été abrogeantes. Et donc Ils ne distinguent pas entre ces principes-là. Qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est spécifique. Ils prennent tout dans, comme si c'était une seule catégorie, puis ils mélangent tout. Hein? Tandis que l'autre catégorie, as-sinfu al-thani, wa hum ahlul ilm al-rasikhun, al-lazina yu'minuna bil-kitab kullihi, fa-ya'lamuna anna al-muhkam wal-mutashabih, kullum min indillah, fa-yarudduna al-mutashabih ila al-muhkam, wa yuqayyiduna al-mutlaq, wa yukhassisuna al-aam. Donc le cheikh il dit, c'est la deuxième catégorie, ce sont les hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science et ce sont ceux qui croient en le livre en entier et qui agissent et appliquent et qui connaissent les versets qui sont muhkam et les versets qui sont mutashabih. Ils savent ce qui est clair et explicite et ils savent ce qui est équivoque et ils savent que tout ça, ça vient d'Allah. Donc quand ils ont un verset qui est équivoque et qui peut avoir plusieurs sens, ils le ramènent au verset explicite et ils font que qu'est-ce qui est général, ils le ramènent à qu'est-ce qui vient le rendre spécifique, qu'est-ce qui est yani, qu'est-ce qui est pas restreint, ils viennent le ramener à qu'est-ce qui va le restreindre et qui va le limiter, et qu'est-ce qui est abrogeant. Qu'est-ce qui est abrogeant, ils le prennent et ils laissent de côté. Qu'est-ce qui est abrogé, qu'est-ce qui a été annulé. Donc ça, c'est la façon comment ces hommes de science-là agissent, contrairement aux gens de la passion ou aux ignorants. Et le cheikh, il dit, « فَالْوَاجِبُ الْحَذَرُ مِنْ مَنْ حَذَّرَ مِنْهُمُ اللَّهُ فَالْوَاجِبُ الْحَذَرُ مِنْ مَنْ حَذَّرَ مِنْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الرجل يترك المحكم يترك محكم القرآن ويشتغل بمتشابهه فاعلم أنه صاحب زيغ وضلال ولقد توعد الله الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فمما أمر الله به أن يوصل رد المتشابه إلى المحكم فإن الأخذ بالمتشابه دون رده إلى المحكم قطع لما أمر الله به أن يوصل وزيغ وضلال. Donc le cheikh, il dit quoi? Il dit que l'obligation pour le musulman, c'est de prendre garde et de faire attention à celui contre qui Allah nous a mis en garde et celui contre qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. C'est, même il y a un hadith à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu entends des gens qui disputent à propos du livre d'Allah, alors c'est de ceux-là que Allah a voulu parler dans son livre, alors prends garde à ceux-là. Il a lu ce verset, verset 7 dans sourate Al-Imran, et il a dit, prenez garde à ces gens-là, ce sont ceux qui disputent sur le Coran, ce sont ceux dont Allah a parlé dans ce verset-là. Après, il a dit, si tu vois un homme qui abandonne qu'est-ce qui est explicite dans le Coran et qui ne fait que se préoccuper de ce qui est équivoque et qui peut avoir plusieurs sens, sache que c'est une personne de déviation, une personne d'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui coupent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de rattacher. C'est-à-dire, eux, ils coupent ce que Allah a ordonné de rattacher. Et parmi les choses que Allah a ordonné de rattacher, c'est quoi? C'est de ramener ce qui est équivoque vers ce qui est explicite pour le comprendre. Donc, celui qui prend uniquement ce qui est équivoque et qui peut avoir plusieurs sens, sans le ramener à ce qui est explicite dans le Coran et dans la Sunna, alors il a coupé ce que Allah a ordonné de réunir. Et ça, c'est de la déviation et de l'égarement. Après, le cheikh, il dit, فَاقْتَضَانِي بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ أُعَلِّقَ فِي ذَلِكَ مَا يَكُونُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها ولما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. Donc le passage numéro 11, Ibn Taymiyyah, il dit que certains compagnons m'ont demandé de clarifier et de commenter sur cela, c'est-à-dire au sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars, et d'indiquer un fondement, de mentionner un fondement sur la question. Et il dit, à cause du grand bien qu'il y a et de l'aspect vraiment qui le bienfait général qui est dans dans le fait de connaître ces règles-là, donc ils m'ont demandé d'écrire sur ce sujet. Et étant donné que beaucoup de gens ont été éprouvés par ce genre de problème à un point tel qu'ils sont devenus comme dans une sorte d'ignorance et de jahiliya. C'est-à-dire les gens ils ont tellement exagéré dans le fait d'imiter les juifs et les chrétiens et les koufars qu'ils sont devenus comme s'ils étaient dans une sorte de jahiliya. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage. Il dit wa qawluhu iqtadani ba'd al-ashab قوله اقتضاني أي يعني طلب مني بعض الأصحاب وهكذا الأصل في الأمة أنه ينبغي حينما يشكل عليها شيء من أمور دينها أن ترجع إلى العلماء الربانيين وهذا الإمام رحمه الله من أفضل من يرجع إليه في هذه المسألة العظيمة كما أنه يرجع إلى العلماء في كل زمان ومكان ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit certains compagnons m'ont demandé de clarifier quelque chose à ce sujet. Il dit c'est comme ça, dans la Ummah, la base c'est comme ça. C'est que lorsqu'il y a quelque chose qui cause un problème dans la Ummah, à propos de la religion, que les gens doivent retourner aux ulama, rabbaniyin. Et donc cet imam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est un des meilleurs vers qui il faut retourner pour clarifier ce genre de grandes questions. Et donc, de la même manière qu'à toute époque, et dans tout endroit, les musulmans doivent retourner à leur ulama pour poser des questions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَنْ يُجِيبُ وَإِذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيَانَ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أن يبذل الجهد في بيان الحكم ولا يجوز له أن يكتم العلم فالشيخ أجابهم وألف هذا الكتاب النافع. Donc le cheikh il dit l'obligation pour le savant lorsqu'on lui pose une question c'est qu'il réponde, et lorsqu'on lui demande la clarification d'un verdict de la sharia il doit faire son effort, il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir et dans son effort pour clarifier ce verdict, et il ne lui est pas permis de cacher la science. Donc le cheikh il leur a répondu et il leur a écrit ce livre bénéfique. Il dit ensuite وقد سبق أن قلنا إن هذا الكتاب لا يحيط بكل المسائل وفروعها ولكنه وضع فيه قواعد وضوابط عامة وفيها الخير الكثير ومع هذا وصفه بقوله إشارة وصفا له بالقلة وهذا من تواضعه رحمه الله وإلا فإنه كتاب غزير الفائدة. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit on a déjà expliqué que le livre en question il ne touche pas à toutes les questions et toutes les branches qui ont rapport avec le sujet, mais il établit certains principes et certaines règles générales dans lesquelles il y a un grand bien pour comprendre le sujet. Malgré tout, Ibn Taymiyyah parle de ça comme étant une simple indication. Comme si Ibn Taymiyyah voulait dire, yani c'est pas grand chose qu'est-ce que j'ai écrit. Et Ibn Taymiyyah dit, Cheikh Al-Fawzan dit, ça c'est comme s'il voulait décrire son livre comme étant quelque chose de peu. Comme s'il avait fait peu de choses dans ce livre-là. Ça nous montre la modestie du Cheikh. Comme si il était modeste, il ne veut pas dire de son livre j'ai écrit un grand livre. Non, il est modeste. Donc il dit c'est un petit livre que j'ai écrit, il y a peu de choses dedans. Mais en réalité, le cheikh il dit c'est un livre rempli de grands principes et de grandes choses bénéfiques dedans. Il dit wa qawluhu wa lima qad amma fi naw'in ila akhir al-kalam, à cause du fait que beaucoup de gens, c'est devenu quelque chose qui s'est généralisé chez les gens, le fait d'imiter les koufars et les mushrikines, et que beaucoup de gens ont été éprouvés par cela jusqu'à ce que ça devienne même comme une forme de jahiliya. Eh bien, le cheikh il dit Yushiru huna an al-hamila lahu ala al-tasnif fi hadha al-amr ma ra'ahu min umum al-balwa min intishar al-tashabbuh bil-kuffar wal-jahl بتحريم هذا الأمر حتى عادوا إلى الجاهلية في الغالب، وليس المقصود الكل، فلن تعود الأمة بالكلية إلى الجاهلية أبدا ولكن يعود إليها فئام وطوائف من الناس بتشبههم بالأعاجم واليهود والنصارى فهذا فيه بيان الخطر لا سيما وهو يؤدي للعودة إلى الجاهلية. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah indique ici qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre. Et c'est parmi les choses qui l'a poussé à écrire ce livre, c'est qu'est-ce qu'il a vu du fait que beaucoup de musulmans ont été éprouvés de façon générale par l'imitation des kuffars et que les gens sont ignorants de l'interdiction de cette chose. Et donc à un tel point que les gens sont devenus comme si c'était, comme s'ils étaient redevenus dans la, comme s'ils étaient revenus à l'époque de la jahiliya. Et le cheikh il dit, mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont revenus à la jahiliya, ça veut seulement dire qu'il y a une partie ou des groupes parmi les musulmans qui ont imité les kuffars. Parce que le cheikh il dit que la umma au complet ne va jamais retourner en entier vers la jahiliya. C'est seulement certains individus ou des groupes parmi les gens qui vont imiter les a'ajim, les non-arabes, les juifs et les chrétiens. Et il y a en cela un grand danger, en particulier du fait qu'on sait que c'est quelque chose qui peut nous faire revenir à la jahiliya. Après, il dit فكتبت ما حضرني في الساعة مع أني لو استفيت ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقرأت الآثار في ذلك لوجدت فيه أكثر مما كتبته. Donc le passage numéro 12, il dit j'ai écrit ce qui m'est venu au moment où je l'écrivais. Mais si j'avais cherché toutes les preuves et les paroles des ulama et que j'avais lu toutes les narrations qui avaient été rapportées à ce sujet-là, j'aurais trouvé beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai écrit. Imagine, deux gros volumes comme ça là, maintenant que le livre est. Il y en a des éditions en un volume, mais tu vois que le livre, c'est un livre vraiment concentré. Là. Il y a beaucoup de matériel dedans, beaucoup de choses dedans. Donc il dit, ça c'est juste qu'est-ce que j'ai eu à la mémoire à ce moment-là, je l'ai écrit. Mais sinon j'aurais écrit beaucoup plus que ça. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ غَزَارَةِ عِلْمِهِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَعَلَىٰ عِظَمِ فِقْهِهِ فَإِنَّهُ كَتَبَ مَا اسْتَحْضَرَهُ من ذاكرته في وقت قصير هذا الكتاب الجليل العظيم المؤصل المقعد المدعوم بالأدلة وهذا من تمام تواضعه رحمه الله وعدم اغتراره بعمله وعلمه وأنه لو بحث ونقب في الآثار لوجد الشيء الكثير ولكنه أتى بهذا الكتاب في هذه المسألة في هذه الساعة التي ألفه فيها لأجل سد الحاجة. Donc le cheikh il dit que ça nous montre la grandeur de la science d'Ibn Taymiyyah et ça nous montre sa grande compréhension dans la religion parce qu'il a écrit ce qu'il a eu dans sa mémoire dans un moment très court. Il a écrit ce grand livre qui est rempli de fondements et de bases et de règles, qui est rempli de preuves du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est pour nous montrer la modestie du Cheikh rahimahullah et du fait qu'il n'était pas lui-même ébloui et trompé par sa science ou par ses actions. Il dit que s'il avait cherché dans les textes, dans les narrations, il aurait trouvé beaucoup de choses encore, mais qu'il a écrit uniquement ce qu'il avait trouvé pour remplir le besoin au moment où il l'a écrit. Ibn Taymiyyah, il écrivait très rapidement. Il y a le livre qu'il a écrit, Al-Hamawiyyah, qu'on est en train de faire le samedi, c'est un livre, subhanallah, il est rempli de preuves et de textes et de citations. Il l'a écrit entre Dhuhr et l'Asr. C'est-à-dire entre deux prières, il s'est assis puis il a écrit ça. C'est un livre que nous, on est en train maintenant de l'étudier et qui est étudié dans les universités maintenant. Et que quand on l'enseigne, des fois ça prend des cours et des cours pour le terminer. Lui, il a écrit entre deux assises, entre l'Asr et le Maghreb, entre le Dhuhr et l'Asr. Donc c'est pour dire, ce livre-là, Allahu A'lam, combien de temps il a pris pour l'écrire, mais ça lui a pas pris beaucoup de temps. Parce que tout ce qu'il écrit, c'est de sa mémoire. Et tout ce qu'il a écrit, c'est des choses ça fait partie des fondements qu'il a étudiés depuis qu'il était petit. Donc, pour lui, écrire ça, c'est très simple. Puis les trucs se mettent en note dans sa tête au fur et à mesure qu'il écrit. Hein, il explique. Yani, ça montre la grandeur de sa science, Ibn Taymiyyah. Il dit, le cheikh, il dit, وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ مَنْ خَاضَ فِي الْفِقْهِ وَرَأَى إِيمَاءَاتِ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ وَعِلَلَ الْفُقَهَا وَمَسَائِلِهِمْ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ. Ibn Taymiyyah, il s'étonne. Il dit, j'aurais jamais pensé que quelqu'un qui a étudié le fiqh, qui a vu et compris les indications de la charia et les objectifs de la charia et les explications des raisons des règles de l'islam que les fuqaha ont écrit et les questions qui ont rapport avec la charia, j'aurais jamais pensé que quelqu'un aurait douté de l'interdiction de l'imitation des kuffars. Je suis étonné, c'est comme s'il dit, je suis étonné que des musulmans qui ont de la science, puis du fiqh, qui ont étudié l'islam, qui connaissent les fondements de l'islam et les principes, ont des doutes sur le fait que c'est interdit d'imiter les koufars. Et même aujourd'hui, tu trouves des musulmans, tu vois, même parmi ceux qui se prétendent être des chouyours, hein, qui ont des doutes ou qui ne sont pas convaincus que c'est interdit d'imiter les koufars. Et je me rappelle une fois, j'écoutais des exemples des paroles de Tariq Ramadan pour le réfuter sur certains de ces points-là. Et il est tellement égaré, ce gars-là, qu'une fois, il mentionnait, par exemple, dans un audio, qu'il était en Europe, puis... je ne sais pas si c'est lui qu'on lui a dit ça, ou bien que c'est lui qui l'a vécu. Il a dit... Il y en a des musulmans, il parlait des salafis, pour se moquer des salafis, parce qu'il veut toujours se moquer des salafis. Et Allah le musta'an, c'est grave. Il dit, une fois, il y en a un de ces gens-là, il parle des salafis, il était à la lumière, il était à un feu de circulation, et la lumière était rouge. Le feu était rouge. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, tant pis, ça c'est des trucs que c'est les koufars qui l'ont fait. Alors je vais brûler le feu rouge. Et c'était la nuit, il n'y avait personne. Donc il a brûlé le feu rouge. Mais en Europe, ils ont mis des caméras. Ça prend des photos. Donc ils photographient la plaque de la personne qui brûle le feu. Donc comme s'il dit, regarde, ce salafi, il a dit ça vient des koufars. Donc moi je vais pas le respecter, je vais brûler le feu. Là la caméra l'a photographié, là il a reçu le ticket. Et il mentionne cet exemple-là comme si pour se moquer des salafis, puis pour dire regardez les salafis, ils disent on respecte pas, on n'imite pas les koufars, puis regardez maintenant le résultat. Alors que ça n'a rien à voir avec l'exemple du fait qu'on interdit d'imiter les koufars. Mais lui, il mélange les gens, hein, parce que c'est ça ce qu'il veut. Il veut juste tromper les gens, leur faire croire que c'est ça ce qu'on veut dire quand on parle d'interdiction d'imiter les koufars. Mais de toute façon, Ibn Taymiyyah, il clarifie par la suite. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, ça c'est le passage numéro 13, Cheikh Al-Fawzan, il dit, قوله ولم أكن أظن يعني أنه يتعجب ممن خاض غمار العلوم الشرعية من فقه ومقاصد ومسائل ثم بعد ذلك يشك في تحريم مشابهة الكفار وللأسف فإننا نجد هذا الصنف ممن ينسبون إلى العلم وليسوا من أهله وإنما هم متعالمون أو هم ممن يتبعون المتشابه ويتركون المحكم أو هم من علماء الذين أضلهم الله على علم فهم يعلمون الحقيقة ولكن إنما يقصدون المال أو الشهرة أو إرضاء فلان من الناس وهؤلاء اشتروا دنياهم بآخرتهم فصاروا يحثون الناس على التشبه بالكفار وعدم التخلف عن الركب كما يقولون. Donc Cheikh Al-Fawzan, il les a vraiment détruits là, dans ce passage là. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Ibn Taymiyyah a dit, je pensais jamais. C'est-à-dire que le Cheikh, il s'étonne des gens qui ont étudié, qui ont des connaissances de la charia, qui connaissent le fiqh, qui connaissent les objectifs de la charia et les questions qui ont rapport avec ça. Puis que par la suite, ils ont des doutes sur l'interdiction d'imiter les kuffars. Et il dit, et malheureusement, on trouve de cette catégorie-là, aujourd'hui, des gens qui prétendent appartenir à la science et qui n'en font pas partie. C'est-à-dire, ils ne font pas partie des gens de science, en réalité. Ce sont seulement des gens qui prétendent la science, qui se font passer pour des savants, mais qui n'ont pas de science. Ou bien, ce sont des gens qui suivent qu'est-ce qui est équivoque, qui peut avoir plusieurs sens, et qui laissent de côté ce qui est explicite et clair dans la religion. Ou bien, ce sont des ulama que Allah a égarés avec science. Et en réalité, ils savent, mais ils veulent l'argent, ou ils veulent la popularité, ou ils veulent faire plaisir aux gens. Et donc, ces gens-là, ils ont vendu leur au-delà pour la dunya. Hein, ils ont vendu leur au-delà pour avoir la dunya. Et donc, ils incitent les gens à imiter les koufars et à ne pas être en retard pour pas manquer le train, hein, comme ils disent. Le train de la modernité. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est ce que tu... pour pas manquer le bateau, comme ils disent. Hein? On ne veut pas manquer le bateau, le bateau de la modernité, le bateau de l'évolution. Allah musta'an. Alors que ça, c'est de l'égarement. Donc, il y a cette catégorie-là aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, comme l'exemple que tu as mentionné tout à l'heure, l'exemple de Qardaoui, hein, qui dit, ouais, si la fille elle a des cours de natation, puis que si elle passe pas son cours de natation, elle va échouer son, elle va pas avoir son diplôme, parce que là, elle se met en maillot, puis elle va dans la piscine. Ils lui interdisent le voile avant de rentrer à l'école, elle l'enlève, puis elle rentre dans l'école. Les juifs et les chrétiens sont nos frères, hein, puis quand le pape meurt, il dit que Dieu fasse miséricorde au pape. Il a fait des grands efforts pour la propagation de sa religion. Il a été sincère. Yani, a'udhu billah. Sincère dans quoi? Dans le shirk et dans le kufr. Donc, ça c'est juste pour donner des exemples. Mais sinon, il y a plein d'égarements encore, hein, à ce sujet-là. Il y a ces catégories-là d'égarés, là, sont très nombreux. Yani. Hein, il appelle à la démocratie, il appelle au vote. Hein, il appelle aux révolutions dans les pays arabes et il encourage. Qu'est-ce que les jeunes font comme manifestation? Et sans oublier que pendant des années, pendant plus que 20 ans et même plus que ça, il appelle au rapprochement et à la fraternité entre les religions. Et il appelle en plus de ça, à quoi d'autre encore il appelle? Il appelle à dire que il faut se rapprocher avec les chiites et les rafidas, et que ce sont nos frères. Et là, dernièrement, ça fait même pas longtemps, il a dit, peut-être l'année passée ou l'année d'avant, il a dit, finalement, je réalise que les savants de l'Arabie Saoudite avaient raison sur les rafidas. Ils avaient plus de connaissances que moi. Ajib, c'est maintenant que tu réalises ça, alors que ça fait des années et des années qu'on t'a réfuté sur ces questions-là et qu'on t'a montré les preuves, mais que tu t'obstinais avec acharnement à rester sur ton égarement et à pas reconnaître que qu'est-ce que les ulama de l'Arabie Saoudite ont mentionné, c'était basé sur la vérité et les preuves. Et allez, maintenant tu te réveilles, Allah al-Musta'an. Et comme certains l'ont expliqué, cet aveu qu'il a fait, c'est un aveu qui n'est pas basé sur la sincérité, c'est un aveu politique, parce que le but c'est juste pour jeter de la poudre aux yeux. La preuve, s'il était vraiment sincère, il aurait changé son manhaj et il serait revenu à la sunna et à la voie des salafs, mais il refuse. Donc à quoi ça sert de faire ce genre d'aveu puis tu continues à suivre la bid'ah et les gammes et l'âme? Donc le cheikh il dit, pour terminer, il dit bal lam akun adhunnu anna man waqara al-iman fi qalbihi wa khalasa ilayhi haqiqat al-islam wa annahu din Allah alladhi la yaqbalu min ahadin siwahu idha nubbiha ala hadhihi an-nukta illa idha kanat hayatu qalbihi wa sihhatu imanihi tujibu istiqazahu bi asra'i tanbih. Ça, c'est le passage numéro 14. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah? Il dit, même que je n'aurais jamais pensé que quiconque a une foi réelle dans son cœur et qui a eu la réalité de l'islam sincèrement dans son cœur, et que c'est la religion d'Allah, que Allah n'acceptera jamais aucune autre religion de quiconque que cette religion-là, une fois qu'on lui a mentionné, juste mentionné, cette question-là, et qu'il a de la vie dans son cœur, une foi correcte et vraie, qu'à la simple mention de cette question-là, il se réveille le plus rapidement possible. Parce qu'il réalise que oui, ça c'est clair. Mais, malheureusement, ces gens-là, yani, subhanallah, avec tout ce qu'ils ont comme science et comme étude de l'islam, malgré tout, ils doutent de ça. Le cheikh, il dit, قوله لم أكن أظن, cheikh Al-Fawzan, il explique, لم أكن أظن أن من وقر إلى آخره أن فإنه هنا يتعجب من ردة الفعل عن إيضاحه وبيانه من خطر التشبه بأولئك القوم ولكن دهشته عظمته وعظمت لما علم أن رد كلامه جاء من بعض أهل العلم مع أنه كان يحسن الظن بهم لا سيما وهم أكثر الناس لصوقا بالعلم الشرعي ومعرفة حقيقة الإسلام والأصل أنهم قد وصل لهم الحق وبين لهم الأدلة يجب أن يقبلوه يجب أن يقبلوه وهذا ديدن المسلم إذا بلغه الحق فاء إليه لكن العكس حصل ولا يزال الكثير إلى يومنا هذا يتنقص شيخ الإسلام ويصفونه بأوصاف لا تليق به وبمكانته العلمية والدينية شيخ الفوزان الذي que Ibn Taymiyyah qui a dit j'aurais jamais pensé que quelqu'un qui a la foi sincèrement dans le cœur, il dit, il s'étonne Ibn Taymiyyah de cette réaction de la part de certains lorsqu'on leur a clarifié l'interdiction de et le danger d'imiter les koufars, il s'étonne de ceux-là qui yani, ont refusé d'accepter ça ou qui ont douté de ça. Il s'étonne de la grandeur de l'égarement de ces gens-là, du fait que ce sont des hommes de science en plus. Et si c'était des ignorants, ce serait pas si étonnant que ça. Mais c'est des gens qui ont de la science, des gens de qui Ibn Taymiyyah pensait du bien. Alors qu'il dit le moindre des musulmans qui a pas, même s'il n'est pas savant, du moment qu'il a un peu de foi dans son cœur et qu'il est sincère, qu'il entend les preuves, qu'il entend même la question lui mentionne, juste mentionné comme ça, il va dire oui, c'est vrai. Mais ceux-là, non, non seulement ils ont de la science, mais en plus on leur a mentionné les détails des preuves. Et malgré tout, ils n'ont pas accepté. Donc, Cheikh, il dit, comment ces gens-là peuvent refuser ça, alors que c'est des gens collés à la science et à la charia, et à la connaissance de la réalité de l'islam. Donc le cheikh il dit, à la base, lorsque la vérité leur vient, avec la clarification des preuves, il est obligatoire pour eux de l'accepter. Et c'est comme ça que le musulman doit être, que lorsque la vérité lui parvient, il l'accepte. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est le contraire. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve des gens qui dénigrent Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qui le décrivent par des qualificatifs qui ne lui conviennent pas, qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire des qualificatifs, ils le décrivent par des qualificatifs pour le dénigrer. Et qu'il ne le décrit pas avec les qualificatifs qu'il mérite et qui conviennent à son niveau de science et son niveau de religion. Et on va lire le dernier passage. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. Ibn Taymiyyah il dit, mais on cherche le refuge contre le fait que nos cœurs deviennent voilés ou noirs, couverts de péché, et contre la passion des âmes qui sont les deux choses qui bloquent et qui empêchent les hommes de connaître la vérité et de la suivre. Ça, c'est le passage numéro 15. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, يقول إن السبب في رد الحق مع وضوح الأدلة وسطوع الحجة إنما هو بسبب الران الجاثم على القلوب مع ما يصاحبه من الهوى المتبع طمعا في منصب أو رياسة أو مال ولأن الذنوب والعياذ بالله تعمي القلوب كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمعاصي تعمي القلب والعياذ بالله وكذلك الرغبات الدنيوية والمطامع النفسية من شأنها أنها تعمي القلب أيضا. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il explique que la cause du rejet de la vérité, alors que les preuves sont claires et que les arguments sont établis fortement et clairement, c'est uniquement à cause de l'aveuglement du cœur. Lorsque le cœur devient recouvert d'un voile parce que la personne a suivi sa passion ou parce que la personne elle a fait des péchés. Et donc, ou bien parce que la personne elle suit sa passion, ou bien parce que la personne elle désire un poste, une position, elle veut de l'argent, ou bien à cause qu'elle fait des péchés qui ont aveuglé son cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14 dans sourate Al-Mutaffifin, non, certes, non, c'est par qu'est-ce qu'ils ont acquis comme péché a voilé leur cœur, a rendu leur cœur noir et aveugle. Donc, les péchés qu'on fait aveuglent le cœur. De même que les désirs de la dunya et les désirs de l'âme. Parfois, ça peut aveugler le cœur. Et à ce moment-là, la personne rejette la vérité. Le cheikh, il dit, فَإِذَا رَدَّ الْمَرْءُ الْحَقَّ فَإِنَّهُ يُصَابُ بِعَمَلْ بَصِيرًا. Quand la personne rejette la vérité, elle est éprouvée par la suite et elle est frappée de l'aveuglement de elle voit plus la vérité par la suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 110 dans sourate Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. C'est-à-dire, et nous retournons leur cœur et leur vue de la même manière qu'ils n'ont pas connu la première fois, comme ils n'avaient pas cru la première fois. Et il dit, فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ عَرَفَ الْحَقِّ وَبَلَغَهُ أَنْ يُبَادِرِ لَمْتِثَالِهِ. L'obligation pour la personne qui a connu la vérité, lorsqu'elle lui parvient, c'est qu'il se précipite et qu'il se dépêche pour la mettre en application. فَإِنْ تَأَخَّرَ وَتَلَكَّأَ فَإِنَّهُ قَدْ يُطْمَسُ عَلَى قَلْبِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ. Il dit, si la personne attend trop ou elle retarde dans le fait de le mettre en application, eh bien, il est possible que cette personne, son cœur devienne voilé complètement. Et que son cœur devienne complètement aveuglé. وَحِينَهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْبَلَ الْحَقِّ بَعْدَ ذَلِكَ عُقُوبَةً عَلَى عَدَمِ تَوَاجُبِهِ مَعَهُ لِأَوَّلِ مَرَّةِ. Il dit le cheikh, qu'à ce moment-là, la personne, elle n'est plus capable d'accepter la vérité par la suite. Et ça, c'est un châtiment, une punition du fait que la personne n'avait pas accepté la première fois quand on lui a montré la vérité. Donc, elle n'est plus capable de l'accepter par la suite, même si on lui montre. وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah dit à propos des fils d'Israël dans le verset 5 dans surat As-Saff, il dit, et lorsque ils ont dévié, ils ont choisi la déviation, Allah a fait dévier leur cœur par la suite. Quand eux ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur, et Allah ne guide pas les peuples pervers. فالواجب على المؤمن إذا بلغه الحق أن يحمد الله ويغتبط ويفرح به. Le croyant, lorsque la vérité lui vient, c'est obligatoire pour lui de remercier Allah, de louer Allah et de se réjouir de cette vérité-là. فإذا وإذا تبين له أنه كان على خطأ تراجع عنه ودعا لمن نبهه. Et s'il réalise qu'il était dans l'erreur auparavant, il revient de cette erreur et il invoque Allah, il fait des du'as pour la personne qui lui a fait savoir son erreur. أما صاحب الباطل فإنه لا يتحول عن باطله ويدفع الحق فالناس في ذلك على ضربين كما وصفهم الله تعالى بقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Donc le cheikh il dit, donc celui qui يعني on lui clarifie la vérité, il se réjouit, il revient de son erreur et il fait des du'as pour celui qui lui montre son erreur, ça c'est celui qui est un vrai croyant. Tandis que la personne de la fausseté, il ne change pas, il reste sur le faux et il défend le faux et il rejette la vérité. Et c'est pour ça que les gens sont de deux catégories à ce sujet-là, comme Allah les a décrits dans le Coran, le verset 42 dans Sourate Al-Anfal. Il dit, c'est pour que celui qui périsse, périsse sur la preuve, et que celui qui vive, vive sur la preuve. Al-Anfal, verset 42. Que celui qui périsse, périsse avec la preuve qui a été établie contre lui, et celui qui vit, qui a choisi la foi, il vit avec la preuve qui a été clarifiée pour lui. Et Allah est certes audient et il est certes audient et omniscient, c'est-à-dire il sait toutes choses. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais expliquer de qu'est-ce que le cheikh a lu, et on s'arrête donc au point numéro 15. On continuera la semaine prochaine inshallah au point numéro 16, l'état des gens avant l'islam, l'état des gens avant l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مبارك الله فيكم.